Chapitre 46e. Hélène et Demian répétaient un concerto dans la grande salle du bâtiment des eaux. Ils étaient seuls, toutes les portes fermées, de peur de courants d'air, qui deux fois déjà avaient arraché les feuilles de musique des pupitres pour leur faire exécuter une course fantastique sous les chaises. Hélène en riait. Mais Demian n'aimait pas beaucoup courir à quatre pattes. Après tout, il était dans son droit. Un homme qui passe son temps aux genoux des princesses peut ne pas vouloir s'agenouiller devant des chaises vides, qu'occupait hier, qu'occuperont encore ce soir madame la capitaine, ou madame la lieutenante, autant dire rien du tout. Les garçons de service, après avoir achevé de balayer la galerie supérieure tout en versant sur les artistes des flots de la poussière du Caucase, qui n'est pas plus propre qu'une autre, s'étaient retirés en tapant les portes vitrées avec la désinvolture ordinaire aux gens qui ne payent pas le verre cassé. Et nos amis étaient seuls, tout à fait seuls. Absorbés dans l'étude, ni l'un ni l'autre n'y prenaient garde. Ils ne songeaient guère non plus au jardin qui rutilait à travers les grandes portes, sous sa riche parure de fleurs d'août, dahlias et chrysanthèmes, précurseurs des jours d'automne qui ne pouvaient plus tarder bien longtemps. Les pages de musique succédaient aux pages, et les deux artistes semblaient avoir oublié qu'ils n'étaient pas d'acier, et que la fatigue est une chose existante et réelle. Enfin, ils arrivèrent aux derniers accords, et Demian, posant son violon sur le piano, s'essuie le front en disant « Ouf !» La petite Hélène le regarda de côté d'un air moqueur, puis retourna son cahier de musique et celui de son collègue, les ouvrit à la première page pour recommencer, et ce devoir accompli, elle se permit le délassement de faire craquer les petites jointures engourdies de ses mains rouges et effilées. « Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il fait chaud ?» fit Demian en s'étirant avec un soupir. Hélène se dirigea vers une des portes, l'attacha au crochet destiné à cet usage, pour qu'elle ne fût pas tentée de se fermer, et revint s'asseoir sur le tabouret. « Oh, pardon !» fit le jeune homme, devenu très poli par la fréquentation d'un monde si distingué. « C'est moi qui aurais dû... et c'est moi qui l'ai fait !» répondit tranquillement Hélène. « Oh, cela ne fait rien, j'en ai l'habitude !» Il la regarda un peu surpris. Elle ne l'avait pas accoutumée à des remarques de ce genre. Il crut qu'elle était de mauvaise humeur, mais pas le moins du monde. Elle souriait paisiblement au jardin, qu'elle voyait par la porte ouverte, et exécutait de petits traits très délicats avec sa main droite dans le haut du clavier. Elle devenait étonnamment jolie. Était-ce la cuisine du Caucase qui convenait à son tempérament, ou l'air pur des montagnes qui lui avait donné cet embonpoint léger? Plus blanche, plus rose, malgré le mat doré de son teint, elle paraissait calme et heureuse, comme elle ne l'avait jamais été. Demian ne pouvait pas savoir que la veille au soir, la petite Hélène et Madame Moutine avaient marché pendant 2 heures sous les grands arbres du boulevard, et que la jeune femme avait appris à la jeune fille quelques-uns des secrets de la vie. « Après avoir essayé du piment, avait-elle dit, il reviendra la crème, parce que c'est la crème qui nourrit, et que l'homme ne peut pas toujours vivre d'excitant. » D'ailleurs, eût-il entendu cette conversation extraordinaire, il n'eût pas compris grand-chose, pensant qu'il s'agissait de recettes de ménage pour faire des petits gâteaux et que probablement Valérien, dans ces derniers temps, avait montré un goût prononcé pour les épices. Depuis cette causerie, Hélène sentait un soleil qui allait se lever dans sa vie. Elle avait passé la nuit sans dormir, et cependant elle s'était habillée dès l'aube avec une gaieté qui ne lui était pas ordinaire. Elle avait regardé sa mère endormie avec une tendre pitié, et s'était dit que cette mère était pourtant bien bonne et bien indulgente. Puis, elle s'était mise à l'ouvrage comme d'ordinaire, raccommodant ses vêtements, rajeunissant par des ruches neuves des robes presque fanées, et donnant à tout ce que touchait ses doigts cet air sérieux et modeste qui était l'apanage de la petite Hélène. Au parcours de ses travaux d'aiguille, elle avait trouvé dans sa corbeille un mouchoir déchiré, qui avait grand besoin d'une reprise, et une paire de chaussettes fort endommagées. Prête à les prendre en main, elle s'était arrêtée, puis, avec un sourire mystérieux, elle avait replié soigneusement le mouchoir, la déchirure en dedans, préparé les chaussettes pour les mettre, et comme 10 heures étaient sonnées, elle avait reporté ses objets dans la chambre de Demian, où Victor faisait le ménage comme toujours. « Encore du travail à vous ?» avait dit le bon garçon d'un air de reproche. À ce même sourire, un doigt sur ses lèvres, elle avait ouvert la commode, placé les 2 objets qu'elle apportait tout en haut, de façon qu'ils fussent pris les premiers, puis, fermant le tiroir et appuyant ses 2 coudes sur la commode, Elle avait ri de bon cœur, doucement mais franchement. « Qu'y a-t-il donc ? Une surprise ?» fit Victor. « Oui, une surprise, » répondit Hélène en s'en allant pour continuer de rire dans la solitude. Mais Victor était curieux comme une chatte. Il avait fouillé dans ce tiroir, et l'instant d'après, il rejoignait la jeune fille. « Je ne comprends pas, » dit-il. « Il sera furieux, n'est-ce pas ? J'en ai peur. Et moi, je l'espère. » Il la regarda plus ébahi que jamais. « Vous l'avez gâté, Hélène, il sera furieux. Eh bien, nous nous amuserons un peu. Vous voulez le taquiner ? Je veux qu'il me compte pour quelque chose. Et voyez-vous, mon bon ami, quand on ne fait pas apprécier ses services, personne ne vous en est reconnaissant. Oh, Hélène, moi !» Aussi, fit-elle en appuyant délicatement sa main sur le bras de Victor, « je ne vous rapporterai pas de mouchoir déchiré. » Il resta pensif un moment. « Si nous conspirions, » dit-il enfin. « Parfait, c'est entendu. » Les deux têtes se rapprochèrent, et le résultat de leur conciliabule fut une douce gaieté pour le reste de la journée. C'est cette gaieté tranquille qui animait le visage d'Hélène quand Demian s'avisa de la regarder dans la grande salle des eaux. « Qu'est-ce que vous avez ? » lui dit-il avec une aménité peu ordinaire. « J'attends que nous recommencions, » répondit-il, en tournant vers lui son regard innocent et calme. Avec un geste d'impatience, il reprit son violon et l'accorda. Au moment de saisir l'archet, il s'arrêta et demanda à sa partenaire. « Vous trouvez que le concerto ne va pas assez bien ?»« Je trouve qu'il ne va pas du tout, » répondit la jeune fille en faisant de petites cornes au coin de ses pages. « Vous n'arrivez pas tout à fait en mesure au staccato de la seconde reprise. » Pour le coup, Demian déposa son violon. Il n'arrivait pas en mesure. C'est Hélène qui critiquait son jeu. Au fond, il savait fort bien qu'il n'arrivait pas en mesure, et c'est précisément ce qui l'ennuyait. Plus d'une fois, semble circonstance s'était présentée, et loin de lui en faire l'observation, sa fidèle accompagnatrice avait dissimulé ses légers défauts. Grâce à sa prévoyance, il avait même pu se relâcher un peu et veiller de moins près à l'exécution de certains passages. Est-ce qu'elle allait se mettre à le moriginer à présent ? Il faudrait voir. Mais au moment d'ouvrir la bouche, il la referma et prit son violon d'un air digne. Ils commencèrent et pendant trois pages tout marcha à souhait. Le passage le plus dangereux fut exécuté par Demian avec une perfection rare, et Hélène approuva d'un mouvement de tête dont malgré lui le jeune homme fut très satisfait. Si satisfait, qu'il profita de son triomphe pour faire une note douteuse l'instant d'après. « Aïe !» fit Hélène en s'arrêtant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» grommela Demian. « Plus haut, votre là. » Incontestablement, le là devait être plus haut. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire à Hélène ? Est-ce qu'au jour du concert, Demian ne serait pas joué infailliblement ? Il le lui dit sans trop de cérémonie et n'obtint en réponse que ceci. « Quand on se permet quelque négligence dans l'étude, on n'est jamais sûr de se rattraper devant le public. » Et si j'étudiais comme cela, je ne vous ferais pas honneur. « Je le crois bien, » fit Demian d'un air noble, « mais ce n'est pas la même chose. »« Je ne sais pas, » dit Hélène en recommençant à jouer. Il n'eut que juste le temps d'épauler son instrument et de saisir la mélodie au vol. Il se tenait sur ses gardes, peu jaloux d'attraper encore quelques remarques du même genre, lorsque vint un solo de piano d'une grande expression qu'Hélène joua admirablement si bien que notre artiste se sentit charmé. Que vous avez fait de progrès, petite Hélène, dit-il. Entre votre manière de jouer d'il y a trois mois et celle d'aujourd'hui, il y a un monde. Elle sourit de ce sourire énigmatique qui lui donnait tant de charme. Il resta préoccupé pendant qu'elle achevait son solo. À vous, dit-elle, quand il fut temps. L'artiste reprit sa partie, mais Hélène jouait trop parfaitement la sienne, si bien que Demian, déconcerté, sentit qu'il perdait du terrain. « Vous jouez trop fort, » dit-il. « Vous couvrez ma partie avec votre piano. »« Il y a écrit fortissimo, » répondit-elle en indiquant l'endroit précis du bout de son index effilé. Il reprit son archet d'un air d'humeur et s'exécuta de la plus mauvaise grâce possible. Décidément, Hélène devenait ennuyeuse de s'accrocher aux moindres vétilles. Quand ils eurent terminé, il rangea soigneusement sa musique et son violon pendant qu'elle en faisait autant de son côté. Et après avoir accompli ce devoir, il se tourna vers elle avec un front semblable à celui de Jupiter, quand un reste de clémence le retint encore de lancer son tonnerre. « Est-ce que par hasard, mademoiselle Hélène, dit-il de sa voix la plus majestueuse, vous auriez la prétention de me faire la leçon ?»« Moi ? répondit-elle avec un léger sursaut. « Ah, Dieu m'est témoin que je ne veux donner de leçon à personne. Mais mon cher Demian, est-ce vous faire la leçon que de vous rappeler, comme tout à l'heure, au respect des textes ?»« Le respect des textes, » murmura Demian, « les textes. Que le diable... Non, voyez-vous, Hélène, c'est que depuis quelque temps, vous avez l'air de n'avoir plus d'amitié pour moi. C'est tout au plus si vous me tolérez. » Le visage de la jeune fille perdit soudain sa sérénité et d'un ton triste, elle répondit. « Ce n'est pas moi qui ai changé, vous le savez bien. »« Alors vous avez toujours autant d'amitié pour moi ?» fit Demian, dont la bonne humeur venait de renaître tout à coup. « Autant d'amitié, certainement. » repartit Hélène avec une certaine réserve. « Une amitié proportionnée à vos mérites. » Demian éprouva l'impression d'un homme qui reçoit une douche sans préparation, tout habillé, ce qui est une façon désagréable entre toutes de prendre cette chose désagréable qu'on appelle une douche. « Mes mérites auraient-ils diminué à votre idée ? » dit-il d'un ton piqué. « Oh, vos mérites sont bien des genres, » reprit Hélène avec une sorte de raillerie. « Je n'en suis pas juge. Et puis je ne connais rien à rien, mais... » Elle se tut, roula sa musique et ferma le piano. « Mais quoi ?» insista Demian en l'arrêtant par le bras. Il était à la fois curieux et irrité. Il faisait peu de cas, en vérité, de ce que pensait de lui cette jeune fille sans fortune et sans position. Cependant, il lui en coûtait de sentir une réticence dans l'opinion qu'elle pouvait avoir de lui. « Vous voulez le savoir ?» fit tout à coup la petite pianiste en se tournant vers lui et en le regardant bien en face, malgré l'honnête rougeur qui couvrait son visage. « Eh bien, je pense que vous n'êtes pas assez soucieux de votre dignité. Qu'à la Villa Redine, on vous traite le soir comme un violoniste gagé, fait pour amuser la société, pendant que vous vous croyez un invité comme les autres, vous n'êtes que le musicien. Et ce n'est pas digne de vous, Demian, je vous le dis. » L'artiste eut bonne envie d'apprendre à cette insolente de quel prix la princesse payait le matin la musique du soir, mais il n'osa. Cependant, quelque chose dans son regard parla pour lui. « Oui, oui, » reprit Hélène, « l'amitié de cette noble dame vous aveugle sur le rôle que vous jouez chez elle. Est-ce que toute son amitié lui a jamais fait prendre votre bras pour traverser le jardin des eaux ou pour entrer dans la salle de concert ? L'amitié qu'elle a pour vous est une amitié secrète. Qu'elle rougirait d'avouer au grand jour, qu'elle niera jusqu'à la mort si quelqu'un lui en parle. Et ces amitiés-là, Demian, n'ajoutent rien à la dignité d'un homme, au contraire. » Elle termina par une sorte de soupir étouffé en baissant vers le sol ses yeux attristés. Le jeune homme, qui avait failli 10 fois éclater pendant ce petit discours, ne trouva rien à répondre quand elle eut fini. Il sentait dans ses paroles cruelles une vérité amère, dont l'aiguillon l'avait piqué plus d'une fois. À bout de ressources, il eut une inspiration d'en haut. « Vous êtes jalouse, Hélène » s'écria-t-il avec la naïveté d'un homme qui se sait irrésistible. « Jalouse ? De la princesse Redine ?» fit Hélène en relevant avec orgueil sa petite tête de statue grecque et en regardant son ami ennemi dans les yeux. « Je ne lui fais pas cet honneur » ajouta-t-elle avec un accent de dédain incomparable. « Hélène, vous vous oubliez ?» s'écria Demian, qui reçut sous sa propre joue l'affront de la princesse. « Je crois que c'est vous qui vous oubliez, Demian, » repartit la jeune fille d'un ton calme et sans baisser les yeux. « À quel titre, mademoiselle Mianoff, serait-elle jalouse de la princesse Redine ? Entre cette dame et moi, il y a un gouffre que rien ne peut combler, » continua-t-elle avec un mépris souverain, et sur lequel on ne peut pas jeter de pont. « Mais vous, monsieur Markov, si vous êtes soucieux de votre honneur, « regardez ce qu'on fait de vous. »« Mon honneur ? Il n'a, Dieu merci, rien à faire ici, » dit le jeune homme avec une colère concentrée. « Vous croyez ? Eh bien, monsieur Markov, si vous le croyez, continuez à vivre comme vous le faites. Si vous ne voyez pas qu'on vous traite à la villa comme un chien savant, » elle poursuivit sans s'inquiéter du geste irrité de Demian, « c'est votre affaire. Mais pour notre part, nous, qui sommes solidaires de votre dignité, nous nous tiendrons à distance de votre gloire. Nous tâcherons d'en vivre si loin qu'on ne puisse confondre nos existences avec la vôtre, jusqu'au jour où, lassés, vous reviendrez à nous, nous, vos vrais amis, que vous méconnaissez maintenant. « Je crois, Hélène, que vous avez perdu la tête, » fit Demian, exaspéré. « Voulez-vous être sûr de ce que je vous dis ? Le soir du concert prochain, vous serez dans toute votre gloire, n'est-ce pas ? Les Altesses vous auront félicité, complimenté. » Essayez de dire à la princesse que vous êtes fatiguée et que vous ne voulez pas jouer dans son salon, et vous verrez la mine qu'elle vous fera. Offrez-lui le bras pour entrer chez elle, vous verrez encore. Soyez libre d'esprit et causez avec elle comme le font les autres jeunes gens. Vous verrez si elle vous remet à votre place. Ma place, celle qu'aux yeux du monde auquel elle appartient, vous devez occuper près d'elle. Elle ne vous aime pas, Demian. Elle feint de vous aimer. Qu'en savez-vous ? Gronda celui-ci, irrité jusqu'à la torture par cette voix qui lui expliquait si bien la cause de ses sourdes colères et de ses rages secrètes. Parce que ce n'est pas ainsi qu'on aime. Aucun sentiment élevé, de quelque nom qu'on le désigne, ne se plaît à laisser dans une ombre humiliante l'ami qu'on s'est choisi volontairement. Il la regarda avec une arrière-pensée mauvaise. « Vous parlez savamment de ces choses, » dit-il. « Qui vous a appris votre science ?»« Le chagrin, » répondit Hélène en passant fièrement devant lui. « Le chagrin des offenses imméritées et la douceur du pardon, » ajouta-t-elle plus bas en franchissant la porte du jardin. Il avait bien envie de courir après elle, de lui faire une scène, de lui dire des injures, peut-être de la secouer un peu par le bras, sans trop avoir l'air de l'abattre. Envie aussi de la faire s'expliquer. Il lui donnait beaucoup de choses et beaucoup d'argent pour lui faire avouer qu'elle l'aimait. Mais il convint avec lui-même que les moyens ci-dessus indiqués n'étaient pas ceux qu'on emploie communément pour obtenir un aveu de ce genre, et dépité, furieux, il s'en retourna à la maison. Le premier mouchoir de poche qui lui tomba sous la main fut celui qu'Hélène lui avait rapporté le matin même. Il profita de cette heureuse circonstance pour faire une scène effroyable à Victor, qu'il écouta d'un air placide en bourrant du tabac turc dans des moules à cigarettes, et qui ne lui répondit absolument rien.